dance to the fly, to the feeling of now. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? On a découvert le rock avec mon prof d'anglais. Les paroles sont géniales. Ah, super ça! Et sinon, ta chambre, elle serait pas un petit peu rock'n'roll aussi? Mais papa! Pendant les vacances, Acadomia propose des stages d'anglais façon summer camp, à domicile, en centre ou en ligne. L'occasion de profiter de l'été pour progresser, où que vous soyez. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Il y a en neurosciences des notions complexes à appréhender sur laquelle les chercheuses et les chercheurs ont du mal à s'accorder du fait de la subjectivité intrinsèque de leur définition et qui engage autant la philosophie que la psychologie ou la neurologie. Qu'est-ce que la conscience? Quelle différence entre conscience et esprit? Que sont les émotions? Quel lien avec les sentiments? Et comment toutes ces notions trouvent-elles leur place dans le règne animal chez l'être humain? Et comment peut-on les caractériser grâce à l'imagerie cérébrale? C'est à ces sujets complexe autant que passionnant que s'attelle Antonio Damasio qui examine les liens entre émotion et conscience. Antonio Damasio, le contrat de conscience, c'est le programme affectif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Antonio Damasio. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes professeur de neurosciences, neurologie, psychologie et philosophie à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Vous publiez tout récemment « Sentir et savoir, une nouvelle théorie de la conscience » chez Odile Jacob. C'est traduit par Jean-Clément Nau. Théorie de la conscience que vous allez nous détailler dans quelques instants. Mais on commence comme chaque jour par un tour de l'actualité scientifique avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Nature et la création d'un nouveau microscope quantique. Et ces chercheurs australiens et allemands ont repoussé encore un peu plus les limites technologiques pour l'exploration de l'infiniment petit. Aujourd'hui, les microscopes laser, avec leurs sources lumineuses puissantes, nous permettent de voir des cellules plus en détail, mais leur intensité est aussi leur talon d'Achille, puisqu'une lumière laser trop puissante détruit les cellules vivantes. Ces chercheurs ont contourné ce problème grâce à l'intrication quantique. Ils ont utilisé un type de microscope avec deux sources de lumière laser, mais l'un des faisceaux a été envoyé dans un cristal conçu afin de presser la lumière et pour introduire des corrélations quantiques dans les photons. Cet enchevêtrement a ainsi réduit l'intensité du faisceau. Les chercheurs ont ensuite testé leur prototype et grâce à cette lumière comprimée, ils ont sondé plus doucement et sans les détruire des tissus vivants de levure. Ils ont réussi à imager la paroi d'une cellule et les vibrations des molécules dans une cellule vivante avec des détails sans précédent et avec plus de 35% de précision par rapport aux approches traditionnelles. Voilà, et pour tout savoir sur ce nouveau microscope quantique, on vous met comme chaque jour les liens vers l'étude de Nature concernée sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. L'ESA vient tout juste d'annoncer une nouvelle mission sur Vénus en vision. Envision peut-être. La semaine dernière, la NASA a annoncé le lancement de deux missions, Da Vinci Plus et Veritas, pour 2028-2030. Et c'est au tour de l'Agence spatiale européenne d'entrer dans cette nouvelle course. L'orbiteur Envision va embarquer différents instruments. Un sondeur pour étudier les couches souterraines, la géologie vénusienne et éventuellement sa volcanologie. Et un spectromètre pour analyser son atmosphère et sa composition chimique. L'objectif est de comprendre comment Vénus, la fausse jumelle de la Terre, est devenue si différente. Envision devrait décoller pour 2031. Selon une étude menée par l'Institut de l'économie pour le climat, les dépenses de l'État ne sont pas suffisantes pour respecter les objectifs climatiques de la France. Et dans cette étude parue hier, les chercheurs ont épluché 10 ans de dépenses publiques. Toutes les dépenses budgétaires et fiscales dites « favorables à la transition bas carbone » et celles défavorable. En 10 ans, les investissements pour le climat ont doublé. Nous sommes passés de 15 milliards d'euros en 2012 à 31 milliards en 2021. Alors pour encourager les véhicules propres, les énergies décarbonées et pour la rénovation des bâtiments. Mais selon ce papier, cela reste insuffisant, car la France continue de soutenir fortement des secteurs carbonés, avec des dépenses fiscales qui exonèrent les taxes sur le diesel, le kérosène pour l'aviation et les carburants. Ces 50 niches fiscales défavorables pour le climat coûtent environ 16 milliards d'euros chaque année. Et c'est aujourd'hui, Natacha, la finale de ma thèse en 180 secondes. Et l'événement est organisé par le CNRS et par la Conférence des présidents d'université. Le principe de cette compétition, un jeune thésard doit résumer des centaines de pages et plusieurs années de travail en seulement 3 minutes et sur scène. Un exercice de vulgarisation difficile. 16 doctorants sont en lice, 7 femmes et 9 hommes. La finale nationale se tiendra en direct ce soir à partir de 18h30 sur Facebook, YouTube et sur le site internet du concours. Nous sommes tous invités à voter pour notre jeune chercheur ou chercheuse préférée pour lui faire gagner le prix des internautes. Et nous recevrons demain, pour notre tour de table de l'actualité scientifique, deux des finalistes, le ou le vainqueur ou la vainqueuse, ainsi que son dauphin, pour nous parler de ses travaux et bien de la suite de sa carrière universitaire et académique. Merci Natacha, à demain donc pour le prochain Journal des Sciences. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Vous connaissez ce très fameux aphorisme pascalien qui décrivait non pas le choix d'une décision irrationnelle conduite par l'émotion en lieu et place de la raison, mais le fait que la foi divine parle directement au cœur et aux affects et ne peut être rationalisée ou pensée de façon analytique. C'est néanmoins à cette intersection que se situent vos travaux de recherche, Antonio Damasio, depuis votre premier livre grand public, L'erreur de Descartes, dans lequel vous analysiez déjà la raison des émotions, ou comment il vous semble impossible d'appréhender la notion de conscience sans l'incarner dans un corps sensible, ressentant, et comment la conscience procède de ce champ émotionnel et affectif. Ce sillon, vous le tracez depuis plus de 30 ans, vous publiez une forme de synthèse, une épure, d'ailleurs ce sont vos termes, qui vous a permis, vous l'écrivez dans les dernières lignes, à résoudre une partie des problèmes scientifiques qui vous tourmentaient. Vous allez nous expliquer cela dans ce livre, Sentir et savoir, une nouvelle théorie de la conscience, publiée par Odile Jacob et traduite par Jean-Clément Nau. Et comme il est de coutume, Antonio Damasio, de commencer cette émission par une archive qui fait état de la progression de la pensée, de la connaissance scientifique au fil du temps, nous avons trouvé cet extrait. Il s'agit du neuroscientifique et psychiatre Jean Lhermitte, interrogé sur la radiodiffusion française. Nous sommes en 1954. Écoutez. Il est impossible aujourd'hui de se ranger à l'opinion de Descartes et de considérer l'être que nous sommes comme un homo duplex. L'âme, l'esprit, la conscience n'ont rien à faire avec les glandes pinéales qui seraient là comme un pilote dirigeant un navire. Aujourd'hui, le biologiste ne peut pas être cartésien et doit se ranger à l'école de Claude Bernard qui veut que notre esprit s'incline devant les faits et ne soit point orgueilleux ni sûr de soi comme le scolastique. Celui-ci ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'il désirerait qu'elles soient, ce qui est un très grand dérèglement d'esprit. L'homme est un tout indissoluble et tout ensemble matière et esprit. Êtes-vous d'avis que les mots esprit, conscience, âme désignent un même élément, si difficile d'ailleurs à décrire, mais qui semble prendre chez l'homme un tour particulier? Il est essentiel de distinguer esprit, conscience de soi et âme. Contrairement à Descartes, tous les biologistes savent que les bêtes ne sont pas bêtes, qu'elles ont un esprit qui n'est pas le même que celui de l'homme, car celui-ci se loue d'une conscience de soi qui lui assure la faculté d'abstraire, de créer des concepts, des symboles, de manipuler des signes, de se représenter le monde extérieur dans sa propre pensée. L'homme professait le plus grand physiologiste du système nerveux, Sherrington, est un esprit incarné. Voilà, nous sommes en 1954, ce Jean Lhermitte finalement, contre Descartes avec Claude Bernard, il y a là des graines que vous avez fait fructifier avec évidemment la progression de nos connaissances contemporaines, Antonio Damasio. Non, c'est très bien. Je me souviens de la famille Lhermitte. J'ai bien connu son fils, François Lhermitte. Et c'est bon de l'entendre. Très clair, très bien. C'est intéressant parce que cette quête, finalement, de la compréhension de la conscience, de l'esprit, de l'âme, enfin, ensuite, la terminologie change, évidemment, avec les époques. C'est une quête millénaire qui date des premiers instants de la civilisation, des premiers philosophes pré-socratiques. Donc, vous vous inscrivez, finalement, dans cette continuité? Oui, je pense. C'est un grand problème, c'est un grand problème et un vieux problème. Et voilà, ce qui change, c'est la gamme d'opinion qu'on peut avoir et le fait qu'à ce moment, et il y a donc les dernières décennies, il nous est possible d'avoir des détails scientifiques, des détails obtenus avec des méthodes scientifiques qui nous permettent de choisir un peu plus bien ce qui est notre vérité à ce moment. Mais évidemment, il faut penser que nous sommes peut-être très loin d'avoir une vérité absolue et terminale, mais quand même, il y a un progrès. Et dans mon cas, c'est le fait que je commence la conscience vraiment avec les sentiments. Et je pense qu'il est possible à ce moment de dire qu'est-ce que c'est le sentiment au point de vue biologique, parce que nous connaissons suffisamment, nous avons une description de ce qui est la vie, nous avons une description de quelque chose de très important dans la vie qui sont les phénomènes de homéostasie, c'est ce processus qui est inévitable pour que la vie continue, pour que la vie existe, c'est de réguler le processus de la vie. Et l'homéostasie est très très liée à ce qui deviennent dans les organismes qui ont un système nerveux, à ce qui deviennent les sentiments. Et les sentiments sont en effet une représentation, avec l'aide du système nerveux, de l'état du corps, de l'état du vivant dans un organisme. C'est un état qui doit être entre certaines limites. Si on n'est pas dans ces limites, on est dans la maladie ou est dans un excès qui a pour la fin la mort aussi. Et c'est ce processus de régulation qui est transmis par le biais du système nerveux dans les sentiments, dans cette expression mentale des sentiments. Mais c'est vraiment une représentation du corps. Et c'est ça que j'insiste. C'est pourquoi il faut, et spécialement dans une émission comme la vôtre, avec la science comme but, c'est de distinguer entre émotion et sentiment. Les sentiments viennent avant. On va faire tout ce détail-là parce que c'est évidemment le parcours que vous nous proposez également dans cette synthèse de vos travaux, dans cette épure, hein, j'aime bien la notion d'épure que vous écrivez dans Sentir et Savoir. Ce que je trouve passionnant, Antonio Damasio, parce que j'aime bien, souvent on pose la question de la vocation aux artistes, mais j'aime bien poser la question de la vocation aux chercheurs et aux scientifiques aussi. Et vous dites que lorsque vous avez débuté vos recherches dans ce domaine, dans les années 80, vous étiez un peu à contre-courant, vous traitez de fou. Évidemment, dans les neurosciences, l'émotion, le sentiment, ce sont des choses diffuses. Vous dites que vous étiez un peu iconoclaste. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé finalement à ce domaine-là? Il y a beaucoup de motivation. Je pense que peut-être le fait que j'étais aussi intéressé aux arts, j'étais beaucoup intéressé au cinéma et à la littérature, et je pense que ça peut-être m'a incliné vers les émotions, vers les sentiments. Aussi, quand je suis devenu neurologue, il y avait des malades qui étaient vraiment passionnants parce qu'il y avait des transformations des systèmes affectifs et il y avait aussi des conséquences sur les aspects intellectuels de leur vie qui étaient évidemment très liées aux perturbations du système affectif. Alors, il y avait un mélange de motivation, peut-être. Mais c'est vrai qu'à ce moment, les aspects affectifs n'étaient pas tellement traités par la science, parce que c'est devenu la neuroscience, et même la psychologie en général. Et je pense que ça, c'est compréhensible, les gens voulaient se préoccuper avec des choses très concrètes, des choses qu'on pouvait décrire plus facilement et avec plus de précision. Parce que c'est vrai que quand on parle d'affect, quand on parle de sentiments et d'émotions, il y a des aspects de variation presque constante c'est plus difficile de définir votre target. Votre cible. Mm-hmm. C'est plus difficile de le définir. Et c'est peut-être pourquoi les gens ne se préoccupaient pas tellement et préféraient étudier quelque chose qui est blanche ou noire. Et c'est plus facile, évidemment. Mm-hmm. Plus facile à appréhender de manière analytique. Exactement. En quelque sorte. Et c'est plus facile de transformer ça en numéro, faire la mathématisation du problème. Alors, je suis un curieux insatiable. Vous me dites que vous êtes évidemment amateur d'art, de cinéma, de littérature. Vous diriez quelles sont les œuvres qui ont orienté finalement votre cheminement intellectuel de psychologue, de philosophe, de neuroscientifique. Quelles sont les œuvres qui ont eu le plus d'impact sur vos affects précisément? Ça c'est une question très compliquée parce qu'il y a beaucoup de directions. Je pense que par exemple dans la littérature, il y a des choses qui m'ont impressionné beaucoup. C'est très prévisible, c'est Proust. Mm-hmm. Mais il y a d'autres qui sont très influencés par Proust, même si on n'a pas cette idée, des auteurs américains comme Faulkner, comme F. Scott Fitzgerald, même comme Hemingway, qui sont des gens qui sont très liés à ma jeunesse, mm-hmm, et à mes premiers intérêts de littérature. Mais si vous me demandez, par exemple, j'étais très intéressé au cinéma, et si vous me demandez qui était le directeur qui m'impressionnait le plus quand j'étais un adolescent et quand je commençais toutes ces choses, vous allez peut-être rire, c'était Hitchcock. Ah oui, tiens, c'est intéressant ça. Hitchcock était absolument mon directeur préféré. Ah, ça. Vous sauriez l'expliquer, ce qui vous retient justement chez Hitchcock et qui fait que... Le mystère et l'idée, alors ce n'est pas quelque chose que je ne passais pas à ça quand j'avais 15 ans, mais in retrospect, je pense que c'était la possibilité du mystère qui est vraiment pour moi une question scientifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Mm-hmm. Qui est le... Comment l'élucider? Who done it? Oui, qui l'a fait? Qui l'a fait? Et comment le mettre d'une forme qu'on peut arriver à une seule solution. Je pense que c'est ça. Oui. Je rebondis un peu du tac au tac, parce que vous évoquez Faulkner, vous travaillez sur la conscience, et il y a évidemment quelque chose de passionnant chez Faulkner et chez les auteurs modernistes, c'est le stream of consciousness. Mm-hmm, voilà. Il y a évidemment un lien dans cette façon d'écrire, comme ça, que chez Claude Simon, chez ses auteurs, chez Joyce évidemment, mais... Non, Joyce, Proust, Faulkner, il se vire contre lui-même et il décrive ce qui se passe dans leur esprit. Et vraiment, ils sont des grands psychologues. Mais si vous voulez, à ce moment, plus tard, je ne pensais pas comme ça, mais j'étais très intéressé à Shakespeare. Et vraiment, c'est en Shakespeare que nous trouvons toutes les pistes pour ce qu'on peut décrire plus tard dans le cinéma, dans la littérature, évidemment. Et Shakespeare est vraiment à tout. C'est très difficile de penser à des problèmes que Shakespeare n'a pas pensé, qu'il n'a pas traité dans dans ses pièces et même dans sa poésie. On va continuer à travailler, à discuter plutôt qu'à travailler, parce que c'est aussi du plaisir, sur vos travaux, Antonio Damasio, et sur cette synthèse que vous publiez. On va rappeler un peu le cheminement intellectuel qui est le vôtre depuis vos premiers travaux dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et on est ravis de passer cette heure en votre compagnie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous sommes donc en compagnie du neuroscientifique Antonio Damasio tout au long de cette heure. Vous travaillez donc depuis le début sur le rôle des émotions et des sentiments dans la construction de soi. Votre premier ouvrage, L'erreur de Descartes, place résolument vos travaux dans le sillon de la philosophie, c'est-à-dire vraiment à cheval entre la philosophie et les neurosciences. Pourquoi avoir eu besoin d'en découdre avec Descartes finalement pour commencer? Ce point de départ là. Oui, parce que vraiment ce que la philosophie a fait avant la lettre, c'est de faire de la science aussi. Les grandes questions philosophiques sont des questions scientifiques qui ne pouvaient pas être traitées à ce moment-là par des méthodes scientifiques parce qu'ils n'existaient pas. Il n'y avait pas une forme de attaquer le problème avec une méthode scientifique. Ça vient plus tard. Mais les préoccupations philosophiques sont vraiment des préoccupations scientifiques. Ce sont exactement les mêmes. Et on doit beaucoup... alors, vous pensez, on vient de parler de Shakespeare. Shakespeare aussi, c'est littérature et théâtre, mais c'est littérature et théâtre préoccupés par des problèmes des hommes et des femmes, des problèmes de relations, des problèmes sociaux, des problèmes religieux, tout ça. Il s'interroge, regardez Hamlet. Hamlet, c'est vraiment une pièce scientifique, une pièce philosophique et une grande pièce de théâtre. Et une grande pièce métaphysique par ailleurs. ce qui est intéressant, c'est que donc vous allez avoir recours à l'instrumentation, à l'imagerie cérébrale pour essayer de trouver, de discerner, de voir comment finalement les émotions se répartissent dans le cerveau et finalement sont constitutives de ce que vous appelez la conscience. Alors on va avoir besoin de définir les mots parce que les définitions sont effectivement très importantes. Vous parlez notamment du système limbique et de certaines zones du cortex préfrontal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont ces zones et comment vous les identifiez, à quoi vous les associez exactement? Bon, alors, quand je parlais aux années 80 et aux années avant 2000, on a commencé à parler de certaines régions du cortex cérébral, comme le cortex préfrontal, le cortex insulaire. C'est des régions qui ont beaucoup à voir avec émotions, sentiments et conscience aussi, avec des décisions. Mais à ce moment-là, c'était toujours un système très, très grossier, parce qu'on parlait de grandes régions du cerveau. Finalement, au-dessous de tout ça, il y a des régions plus petites, par exemple des régions du tronc cérébral, qui sont très, très importantes pour tous ces phénomènes de sentiments et d'émotions qui sont absolument nécessaires pour avoir de la conscience. Et finalement, il y a derrière tout ça une partie du système nerveux, même du système nerveux périphérique. Ce n'est pas le cerveau, mais seulement des filaments neuronaux qui sont aussi très liés, particulièrement liés aux sentiments. Par exemple, le système qui nous permet de sentir douleur ou plaisir, c'est un système nerveux qui est au point de vue morphologique complètement différent du système nerveux qui nous permet de voir. Alors quand je vois avec le biais de ma rétine et de voie neuronale entre la rétine et le cortex visuel, il y a un système très très moderne Et ça, c'est important. Quand je dis moderne, je veux dire moderne au point de vue de l'évolution. Mm-hmm. En système moderne, où les neurones sont complètement myélinisés, il y a une possibilité d'ensouler le neurone au point de vue de courant électrique. C'est ça. D'ailleurs, pour expliquer pour les auditeurs, vous le décrivez notamment à travers des schémas dans ce livre. Il y a une zone de myéline qui est en fait une sorte de couche de lipides qui permettent d'isoler l'influx nerveux et de protéger l'axone. Exactement. Mais quand je vous vois ici dans le studio, j'utilise ces voies très très modernes du système nerveux. Mais par exemple, si à ce moment j'ai une douleur, j'ai tombé, j'ai une douleur. Alors, le sentiment de douleur que j'ai, c'est mené dans mon cerveau. C'est mené avec des voies extrêmement anciennes. C'est dans le système nerveux où, par exemple, il n'y a pas de myéline, où la conduction nerveuse ne se passe pas seulement à la synapse, mais tout au cours du tronc nerveux. Alors, c'est quelque chose de complètement différent au point de vue organique, au point de vue de système biologique. Et ça nous donne idée. Et ça nous permet d'avancer un peu plus, dans ce cas d'avancer un peu plus dedans le problème. Mmh. Et alors, quand vous me demandez alors l'imagographie cérébrale, oui, c'est important, ça nous a donné beaucoup d'informations sur le système à la grande échelle, mais aujourd'hui, pour comprendre ce que sont les sentiments, l'imagerie cérébrale ne va pas nous aider. Mmh. Ce qui va nous aider, c'est faire des recherches sur les systèmes plus petits qui nous donnent accès à des différentes voies nerveuses, à différentes molécules. C'est un monde plus minuscule que l'imagerie cérébrale nous fait. Il y a un téléphone qui sonne. Il y a une sonnerie qui n'a pas été coupée. Je vais vous laisser l'éteindre rapidement. Oui, ce qui est intéressant, Antonio Damasio, c'est que aujourd'hui, pour avoir parlé avec un certain nombre de chercheurs et de chercheuses en neurosciences, on a le sentiment que les recherches contemporaines ont tendance à revenir un peu de ce qu'on appelle le localisme. C'est-à-dire que finalement, on a voulu beaucoup, à un moment donné, localiser des zones précises qui correspondent à des fonctions précises, intellectuelles, motrices, cérébrales, etc. Et que finalement, la conception contemporaine aujourd'hui de l'activité cérébrale est nettement plus distribuée, presque rhizomatique, si vous me permettez ce terme, que vraiment précisément localisé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, il y a toujours une tension entre le localisé et ne pas localiser. Toutes les fois qu'on a la possibilité d'avoir de nouvelles techniques qui nous permettent de faire une corrélation entre un phénomène et une région particulière dans le système vivant, alors on va le faire. On va prendre l'opportunité de décrire ça avec précision, et il y a toujours une tendance à être localisationniste. Mais vraiment, après tout, quand on pense à des phénomènes de grande échelle comme l'esprit humain, alors il faut faire exactement le contraire. Il y a une tension entre... Et ça, c'est complètement gouverné par le progrès technique. C'est la technique qui va décider pour nous. C'est intéressant parce que donc en fait il faudrait se mettre d'accord sur un certain nombre de notions, parce que vous parliez à l'instant du sentiment de douleur. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une émotion? Est-ce que les émotions sont les émotions basiques, hein, au nombre de 4 ou 5 que l'on connaît, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût et on ne sait plus, mais la colère. La colère, voilà, exactement. La compassion, absolument. Ouais. Comment vous définissez les deux? C'est intéressant parce que c'est important, la différence entre les émotions et le sentiment. Vous expliquez à l'instant que les émotions sont avant les sentiments et que l'un découle de l'autre. Et comment vous liez tout ça à la conscience? Les émotions, j'aime bien les expliquer comme une forme de théâtre. Quand on a des émotions, on a, on, on fait des actes. Il y a des actes moteurs, il y a des mouvements que nous faisons, par exemple, avec notre visage, que nous faisons avec notre corps. Et c'est une collection de actes, c'est une collection d'actions. C'est très externe, c'est dirigé pour l'extérieur et c'est dirigé pour l'autre. Quand on parle de sentiments, on parle de quelque chose de complètement interne. Vous ne pouvez jamais voir mes sentiments. Mes sentiments sont privés. Vous pouvez voir ce qui change dans ma masque émotionnelle avec quelques sentiments. Mais vous ne pouvez pas jamais voir mes sentiments. Vous pouvez voir une traduction émotionnelle de mes sentiments. Mais mes sentiments sont privés, sont dans mon esprit. C'est vraiment le seul espace de liberté complète que vous avez. Si on prend un exemple concret, par exemple, ça signifie que je peux détecter chez quelqu'un, par exemple, de l'affection, mais je ne peux pas savoir s'il est amoureux. Vous pourriez le dire comme ça? Ce que je veux dire, c'est que je peux être, par exemple, très triste, et que je peux être sans aucun espoir, mais je peux représenter l'espoir, je peux représenter la joie, et c'est exactement ce qu'un bon acteur doit faire. Mm-hmm. Alors, l'acteur, quand vous me regardez et vous dites, alors, vous êtes bien, vous êtes content, alors, c'est parce que vous voyez une collection d'actes moteurs dans mon visage, dans mon corps. Mais ça peut être complètement différent de mon état d'esprit, de mon état de sentiment. Et il y a c'est exactement ce qui se passe avec un bon acteur. Un bon acteur peut donner l'impression à l'audience dans un théâtre ou devant la caméra d'être content, mais être désespéré, proche du suicide. Mm-hmm. Cette différence est essentielle. Et c'est essentiel de savoir que les sentiments font leur début, leur apparition dans l'évolution très tôt, et avant les émotions. Les émotions sont des constructions sociales. C'est des constructions qui, évidemment, existent dans d'autres animaux, ce n'est pas seulement humain, mais c'est, comme je dis, du théâtre, c'est extérieur. Et c'est important parce que ça donne des idées, ça donne une possibilité de faire le diagnostic de l'autre. Alors c'est très important, par exemple, d'avoir de la joie, ou d'avoir de la peur, ou d'avoir de la colère, parce que ça informe les autres de quelque chose qui se passe dans moi. Mais les sentiments, non, le sentiment vient très tôt dans l'histoire, au moment où il y a des organismes vivants complexes et avec un système nerveux, alors il y a la possibilité de sentiments. Et les sentiments sont vraiment cette représentation de l'état du corps à un certain moment. Expliquez-nous, parce que ça c'est très important, comment est-ce que vous entendez le fait que les sentiments sont un état de la représentation du corps? Comment le sentiment nous informe, d'une certaine manière, sur la conscience que l'on a de nous-mêmes? Les sentiments sont vraiment aussi le début de la conscience. Mmh. Je pense que ce n'est pas possible de parler de conscience avant de parler de sentiments. Parce que les sentiments, quand dans la grande histoire de l'évolution, quand les sentiments font son apparition, ils sont là. Et la seule définition valable de sentiments, c'est une information, ils sont des informeurs de l'état du corps. Et ils sont des informeurs parce qu'ils sont capables de... Ils sont assis sur une représentation du corps à ce moment. Alors si par exemple vous avez de la douleur, si vous avez de la soif, si vous avez de la faim, si vous avez du désir, tout sont des états du corps, c'est des états très complexes, mais très bien définis. Avec, il y a des certaines molécules, il y a certaines régions du corps qui vont être représentées dans le système nerveux. Et quand ça commence à un certain niveau, ça vous donne la possibilité de transformer cette ces représentations et de faire vraiment ce qu'on appelle l'esprit, mais un esprit sentimental. Mmh. Mais c'est intéressant parce que c'est bien là où il faut tomber d'accord sur l'acception du terme sentiment. Ce sentiment, c'est effectivement ce sentiment très, alors je vais utiliser un mot que j'aime pas beaucoup, mais primitif, qui est effectivement un renseignement sur une forme de lien vers une pulsion de survie. Vous parliez de la soif, certainement. Peut-être d'une certaine manière de l'angoisse ou du stress ou des sentiments qui sont, je ne sais peut-être. Oui. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le sentiment dans le sens l'amour, l'amitié. Je ne sais pas. Vous voyez des choses qui sont plus anthropomorphiques ou plus. Oui. Voilà. Je veux juste vous laisser préciser ça. C'est une belle question et je vous aide à répondre. Je vous en prie. Je vous aide en faisant une différence fondamentale entre sentiment homéostatique, ce que j'appelle sentiment homéostatique, et sentiment émotionnel. Voilà. Alors, quand vous avez soif ou désir ou douleur, vous avez un sentiment homéostatique parce que il n'y a pas d'émotion là au commencement. Ce qu'il y a est un état du corps, mmh. Et la grande beauté, c'est que les sentiments vous informent de cet état du corps. Quand vous avez de l'angoisse et quand vous êtes perturbé avec ce qui se passe, parce que, par exemple, hier, quelqu'un a giflé M. Macron, alors ça, c'est quelque chose de différent. Ça, c'est quelque chose qui vient, donne une émotion. Vous êtes révolté avec cet acte-là. Et vous êtes préoccupé et angoissé parce que ça peut-être veut dire que nous ne sommes pas très bien dans notre société et qu'il y a un grand problème à résoudre. Ça, c'est des sentiments émotionnels. Mm-hmm. Parce que c'est vos réactions. Hier, on parlait de ça et je pensais à la différence émotionnelle entre savoir, et je me souviens très bien du jour où je savais que le président Kennedy a été assassiné. Pour moi, c'était tristesse. L'émotion, c'était tristesse. C'était une préoccupation. Mais hier, quand on m'a parlé de M. Macron, c'était une révolte le sentiment d'humiliation complètement différent de cette situation. Alors, les émotions nous donnent la possibilité de distinguer entre ces situations, quelquefois des situations dans le grand corps social ou situation interne à nous, mais c'est complètement différent comme niveau de fonctionnement des sentiments homéostatiques. On va continuer cette discussion passionnante sur nos sentiments, nos émotions, comment ils forgent la conscience, quel lien notamment avec l'intelligence. Est-ce que parce que je ressens, j'ai une forme d'intelligence et de conscience de moi, est-ce que par exemple une plante a une intelligence remarquable? Vous allez voir que peut-être que oui, tout compte fait. Think of it. Rune of Waves de Jaromil Sabor à 16h40 sur France Culture. Nous avons le plaisir de recevoir tout au long de cette heure Antonio Damasio, professeur de neurosciences, neurologie, psychologie et philosophie à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles, auteur récemment traduit de Sentir et Savoir, une nouvelle théorie de la conscience chez Odile Jacob. C'est traduit par Jean-Clément Naud. Et dans la recherche en neurosciences sur les émotions, qui sont évidemment votre domaine de recherche, Antonio Damasio, il y a tout ce pan de la recherche qui travaille sur les troubles émotionnels, et notamment la modification des perceptions émotionnelles engendrées par la dépression. Et c'est ce à quoi vous êtes intéressé aujourd'hui, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je me suis en effet rendu à la rencontre de Jean-Luc Martineau, qui est pédopsychiatre et directeur de recherche INSERM au sein de l'unité neuroimagerie et psychiatrie. Avec son équipe, Jean-Luc Martineau cherche à déterminer comment certains troubles mentaux, comme la dépression, peuvent s'incarner dans la modification et la fonction de la structure du cerveau. Pour faire cela, ils ont recours à plusieurs méthodes d'analyse statistique, mais également d'imagerie, qui leur permettent de définir quelles sont les régions cérébrales mobilisées dans ces troubles et comment certains signes peuvent être précurseurs de l'apparition des troubles dépressifs. Alors on étudie des cohortes de jeunes qui ont été recrutés dans la population générale, autour de la puberté, vers 14 ans. Et puis, ils ont été suivis pendant une dizaine d'années. Alors, la particularité, c'est que la cohorte a été constituée dans plusieurs pays nord-européens. Et puis, l'autre particularité, c'est qu'elle associe des mesures de la subjectivité des participants, de la subjectivité des adolescents et de leurs parents, par des questionnaires, par des entretiens, et puis des mesures du fonctionnement du cerveau, des mesures de la structure du cerveau, et même des dosages génétiques. Si on en revient à la question des émotions, qu'est-ce qui fait la spécificité de la conformation ou du développement cérébral des adolescents concernant cette question des émotions? Est-ce qu'il y a des spécificités à cette période de la vie en lien avec, je crois, le tronc cérébral, le cortex insulaire, qui sont les lieux où se jouent les émotions, on va dire, entre gros guillemets? Ben pour nous, on étudie plutôt des modèles de dépression. Donc, au début des années 2000, on a constaté que chez les patients déprimés, adultes, il y avait des déficits, on pourrait dire, du fonctionnement de plusieurs régions du cerveau. Et il se doublait de diminution du volume de ces régions. Donc, contrairement à ce qu'on pensait au début, c'est-à-dire que les troubles mentaux ou les maladies mentales sont purement fonctionnels, en fait, il y avait également des concomitants dans la structure du cerveau sous un angle statistique. Donc, on s'est posé la question de savoir si ça avait un rapport avec la façon dont le cerveau se développait. Pour ça qu'on a constitué des cohortes de jeunes adolescents. Et donc on a essayé d'examiner les adolescents avant qu'ils aient un début de trouble émotionnel, en fait. Et on a été quand même assez surpris de voir que, évidemment, chez les jeunes qui avaient des troubles émotionnels, enfin, qui avaient des syndromes dépressifs ou des débuts de syndromes dépressifs, il y avait des modifications du fonctionnement du cerveau, en particulier d'un système, c'est-à-dire un ensemble de régions qui traitent du plaisir ou de la frustration, on appelle cela le système de récompense. Mais il y avait également chez ces jeunes des modifications de l'anatomie, c'est-à-dire de la structure du cerveau. Alors elles ne se voient pas à l'œil nu, hein, mais c'est des modifications statistiques. Et donc on a recherché s'il pouvait y avoir de telles modifications avant, c'est-à-dire des précurseurs finalement. Et on trouve en effet que dans un ensemble de régions comme celle du système de récompense, hein, mais pas uniquement, il y a des précurseurs fonctionnels, c'est-à-dire des modifications des capacités d'activation de ces régions lorsqu'elles sont sollicitées par des tests, et également des modifications de la structure. Quels sont ces précurseurs fonctionnels, si on doit les définir, les identifier? Ça se joue à quel niveau? Par exemple, il y a un symptôme qui est assez fréquent dans la dépression, c'est un symptôme qui est la perte de plaisir. La dépression, c'est quand même un phénomène complexe. Il y a des aspects émotionnels, la tristesse, mais aussi l'incapacité d'éprouver du plaisir, enfin, qui va de même. Et puis, il y a des aspects corporels, on est fatigué, et puis il y a des difficultés à dormir, de l'anxiété, etc. Donc, il y a différents niveaux de symptômes. Donc, on a vu récemment que chacun de ces niveaux de symptômes correspond à des modifications des relations temporelles qui existent entre différents réseaux de régions, et que pour ce qui concerne les aspects émotionnels comme la tristesse, eh ben, un réseau de régions comme celle du système limbique est caractérisé par une espèce d'inflexibilité, c'est-à-dire une incapacité à avoir une souplesse suffisante pour modifier le ressenti de tristesse, si on peut dire. Et puis d'autres réseaux sont impliqués dans la perte de plaisir ou dans les symptômes de type fatigue somatique, perte de l'appétit, etc. Ces travaux, ils posent plusieurs questions, comme par exemple, mais finalement, à partir de quand ces précurseurs sont présents. D'autres questions, c'est comment intervenir suffisamment précocement sur ces caractéristiques fonctionnelles ou structurales chez des sujets qu'on va dire à risque. Il y a des travaux en cours avec des collègues canadiens sur le sujet, où par exemple on peut distinguer que dans les phénomènes émotionnels, pour être un peu caricatural, hein, il y a des aspects quasi somatiques, c'est-à-dire le ressenti de l'émotion elle-même telle qu'on peut tous le voir subjectivement. Et puis il y a une partie plus intellectualisée, mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir, eh bien, il y a des interventions qui sont en cours d'étude sur ce genre d'approche, qui ne sont pas des approches si nouvelles finalement, puisque on voit bien que le langage est un facteur majeur d'intervention, et ça on le sait depuis quasiment l'origine de la psychiatrie moderne. Voilà, ces travaux autour des modifications cérébrales liées à la dépression. Votre réaction, est-ce que vous venez d'entendre, Antonio Damasio ? C'est un beau travaux et ça, c'est prévisible, parce que si en effet l'esprit humain, cette traduction de système de beaucoup de niveaux en niveau basique qui est lié à la physiologie du corps vivant et après des systèmes qui ont des représentations qui n'ont pas à voir avec le corps nécessairement, mais avec tout ce qui nous entoure, alors c'est absolument prévisible qu'on va avoir dans les dépressions des symptômes et des qui nous mène exactement aux mêmes régions qui, on sait déjà, sont liées à des sentiments de, par exemple, de tristesse ou de joie, de solitude, d'angoisse, de perte d'espoir. Alors, je pense que ça fait absolument du sens, mais c'est très très important qu'on a ces données pour la psychiatrie, pour avoir la possibilité de traiter les malades. Ce sont des situations très fréquentes et la souffrance est énorme et les dangers sont grands et c'est bon d'avoir un tas d'approches sur le problème, d'approches évidemment avec des médicaments, mais aussi d'approches avec des systèmes plus classiques de thérapeutiques parlantes. Bien sûr, de psychothérapie ou de... Psychothérapie. Mais c'est très beau, je pense que vous devrez être très content, parce que voilà, une affirmation de tous ces niveaux différents que nous pouvons trouvés dans la psychologie dite normale et dans la psychopathologie. Dans ce livre « Sentir et savoir », vous proposez donc une nouvelle théorie de la conscience, c'est le sous-titre du livre, et j'aime bien la distinction que vous faites, Antonio Damasio, entre être, ressentir et connaître, et comment vous faites une forme de gradation, effectivement, dans l'émergence d'une conscience de soi, puis petit à petit, d'une conscience mémorielle et culturelle du soi. Oui. Il y a tous ces niveaux. Évidemment, quand vous pensez aux êtres vivants, pas nécessairement des animaux comme nous, mais les plantes, il y a un être. Et elles sont là, ils ont de la vie, ils ont de l'homéostasie. Ils cherchent, même s'ils ne le savent pas, ils cherchent à trouver un équilibre, ils cherchent à trouver des choses qui sont absolument nécessaires pour leur nutrition, pour leur hydratation, tout ça. Mais ça, tout ça est fait automatiquement, tout ça est fait sans, entre guillemets, conscience de qu'ils le font. Et avec nous, c'est cette chose merveilleuse, la possibilité que nous avons d'accéder aux connaissances, d'accéder au savoir par le biais des sentiments. Alors si vous avez une vie dans un corps, si vous avez la possibilité dans le système nerveux de faire la représentation de l'état du corps, alors vous avait la possibilité d'accéder aux sentiments, et les sentiments à ce moment-là fait l'inauguration de la conscience. Il vous donne comme donnée premier l'état de votre vie, il vous informe, et quand ils font ça, ils vous donnent la possibilité de faire quelque chose au sujet de cet état. Si vous avez de la douleur, si vous êtes malade, vous êtes informé de ça, et, chose merveilleuse, vous allez... Vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez vous protéger. Si vous avez de la chaleur, vous pouvez aller dans une région froide. Et si vous avez de la douleur, vous pouvez chercher de trouver la source de la douleur et faire quelque chose pour la remédier. Alors, mais néanmoins, c'est pas. Enfin, si j'ai bien compris, la conscience c'est une conscience de soi, mais ça n'est pas le plus haut niveau de conscience établissez dans votre classification. C'est une forme de conscience d'être au monde et une conscience de sa corporalité. Non, ce n'est pas du tout la grande forme. C'est la première. C'est la première, voilà. C'est le commencement. Mais c'est ça. Mais il faut. C'est très important parce que si vous regardez beaucoup des théories actuelles de conscience, ils font exactement le contraire. Ils commencent la conscience. Elles commencent ces théories, commencent la conscience avec les données surtout que nous entourent. Ce n'est pas du tout le cas. La conscience ne pouvait pas commencer là-haut avec les données qui nous viennent de la vision ou de l'audition. La conscience commence dedans, commence sur notre corps. C'est ça la logique. Il y a l'être, il y a la possibilité de connaître ce qui est le vivant, et après ça donne le comment dit-on, the base, les fondements, les bases, les fondements. Et après, avec le développement des systèmes extroceptifs, on peut connaître les autres choses, et on peut, mais il y a toujours, même dans les systèmes extroceptifs, il y a toujours une liaison avec l'être, avec le corps, et c'est dans ce corps où tout se passe, dans ce corps où se passe ce qui s'appelle notre antérieur, notre vie antérieure, la régulation de la vie, et aussi se passent toutes les représentations que nous avons du monde qui nous entoure. Ça, c'est ce que vous décrivez, ce que vous appeliez dans vos travaux précédents le proto-soi. Oui, mais aussi dans le précédent, je parlais de conscience élargie, enlarged consciousness. Et ça, mais ce qui est important, c'est de dire non à la possibilité que cette conscience enlarged, enlargie, que ça pouvait commencer à ce niveau. Je suis pas sûr d'enlarger, mais bon, bref, on comprend l'idée. Mais ce qui est intéressant aussi, même si c'est moins le cas de, enfin, ce que vous débattez dans ce livre-là, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est le fait qu'en français, on a un mot qui est polysémique pour conscience, alors que vous débattez des deux mots que vous utilisez en anglais, qui sont consciousness et awareness, qui ne sont pas tout à fait la même chose et qui définissent des états de conscience différents et progressifs. Oui, voilà. C'est plus compliqué parce qu'il y a consciousness, il y a conscience et il y a awareness. Mm-hmm. Ce sont des choses complètement différentes. Mm-hmm. Qui, vraiment, en français, c'est possible, et d'autres langues latines, c'est possible de confondre. Mm-hmm. Comment vous terminez ce livre, puisqu'on arrive vers la fin de cette émission, Antonio Damasio, vous terminez ce livre par la question sensible, s'il en est aujourd'hui, à l'heure du développement de l'intelligence artificielle, de la machine sensible. On parlait, hasard du calendrier, il y a quelques jours à ce micro, de toutes les recherches qu'il y a en empathie artificielle. Comment rendre des robots empathes et les aider à simuler des émotions. Et vous dites que finalement, votre conseil est assez simple, puisque vous dites comme le sentiment part du corps et que donc la conscience part de ce sentiment et de la proprioception, finalement, une machine ne peut être consciente qu'à partir du moment où elle est corporalisée. Donc il n'y a pas finalement de machine consciente tant qu'elle n'a pas conscience de son propre corps. Oui, et ça, il y a un papier que nous avons écrit il y a 2 ans, jusqu'avant le Covid, sur Nature Machine Intelligence, où nous faisions la proposition suivante. Quand on a des robots où il y a la possibilité d'avoir quelque chose de malléable, quelque chose de transformable dans le corps, c'est quelque chose qu'on appelle techniquement soft robotics, on a la possibilité de commencer à faire quelque chose comme une interoception. Une proprioception. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Interoception, d'accord. C'est différent. La proprioception, le sujet, c'est les muscles. C'est le système moteur et musculaire strié. L'interoception, le sujet, c'est le système musculaire non strié. Avec cette possibilité, on introduit dans la machine une vulnérabilité. Et quand on introduit cette vulnérabilité, il y a des changements, il y a des variations qui ont quelque chose de semblable au sentiment. Dans notre sens physiologique vrai. Mais évidemment, sans aucune forme de conscience. Absolument. Aucune. Même de proto-soi ou rien du tout. Rien du tout, parce que c'est une simulation de vulnérabilité. Ils ne sont pas vraiment vulnérables. Il y a seulement, ils sont plus complexes parce qu'il y a ces variations, mais ils ne sont pas vulnérables du tout. Ils ne vont pas mourir. Non, pas d'angoisse métaphysique. Ça voudrait dire que finalement, le plus haut degré de conscience qui est a priori, et jusqu'à preuve du contraire, celui d'Homo sapiens et de nous, c'est l'angoisse métaphysique de la mort qui la détermine. Oh, oui, mais absolument. Ces choses sont très importantes parce qu'il y a l'angoisse de la mort. Parce qu'il y a le fait que nous avons une vie avec un commencement et il y a une fin. Qui va venir, je ne sais pas quand, et que dans une année de Covid, c'est l'enfant qui est un peu plus visible. Mais c'est intéressant, et ce sera le mot de la fin, puisqu'on rejoint évidemment une pensée métaphysique. Et vous savez ce que disait Jacques Lacan à propos de la mort, il disait « la mort est du domaine de la foi ». Merci beaucoup Antonio Damasio d'être venu nous parler de votre dernier livre « Sentir et savoir, une nouvelle théorie de la conscience ». C'est édité chez Odile Jacob et c'est traduit par Jean-Clément Nau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lezen, Alexandre Morales, Tom Imdenstock, Antoine Beauchamp, Natacha Trioux, Étienne, Nomina Guetsin, Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Olivier Arnet à la technique. Demain, c'est un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche, notre table ronde bi-hebdomadaire. Bimensuel, plutôt, pardon, un vendredi océanique, puisqu'il sera question de l'ancêtre du requin, l'immense et terrifiant mégalonon. Et nous parlerons également du plastique océanique, des quantités exorbitantes de plastique rejeté en mer que l'on ne retrouve jamais. Et puis nous recevrons également, je vous le disais en début d'émission, les vainqueurs de la finale Mathèse en 180 secondes qui viendront nous parler de leur recherche et de leur futur académique. Finale qui se déroule, je vous le rappelle, ce soir à 18h30, que vous pouvez suivre en ligne. On vous met le lien sur notre fil Twitter. Nous, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. C'est l'histoire d'une météorite vieille de 4,5 milliards d'années, ou celle terrifiante de la momie Chachapoya, celle encore du crocodile qui mangeait des dinosaures, ou de la Vénus de l'Espugue sculptée il y a 23 000 ans dans de l'ivoire. Elles sont curieuses toutes ces histoires. 40 objets, 40 histoires qui nous embarquent loin, une coproduction France Culture et Muséum National d'Histoire Naturelle, Les Curieuses Histoires du Muséum, un podcast original sur franceculture.fr et l'appli Radio France.